Namo dasa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Namo dasa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Namo dasa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Okay, thank you. Now we are going to study Abhidhamma. Abhidhamma, seven visuddhi. Okay. Abhidhamma, seven visuddhi. Aujourd'hui, nous allons commencer notre étude de l'Abhidhamma et plus spécifiquement les sept visuddhis, les sept stades de purification, et vous les trouvez à la page 344. Commençons par voir le mot vipassana. Vipassana se compose de deux parties, vi et passana. Vi veut dire de différentes façons, de diverses façons, et passana veut dire observer. Nous allons donc observer les phénomènes, autrement dit, nous allons nous observer nous-mêmes de diverses façons, selon des modes différents. Occupés pour l'instant, pour le moment, dans ces 10 jours, à pratiquer Vipassana. Nous allons donc nous observer nous-mêmes, nous allons observer tous les phénomènes qui nous constituent, autrement dit, nous allons observer notre vie. Et pourquoi faisons-nous cette recherche? C'est pour atteindre la libération. Nous sommes comme des voyageurs qui n'en finissent pas de se déplacer d'un endroit à l'autre, parfois en avion, parfois en train. Et donc nous sommes comme ce voyageur qui passe d'une vie à l'autre. Et cette succession à l'infini des vies dans le samsara est sans fin. Nous serons toujours condamnés à reprendre naissance et donc à être ces voyageurs d'une vie à l'autre. Nous allons donc essayer de nous purifier et d'atteindre la liberté. Donc nous sommes des putujana, des personnes ordinaires. Les personnes ordinaires, celles qui n'ont pas encore atteint les stades d'illumination, sont pleines de pollution mentale. Nous devrons donc nous efforcer de nous débarrasser de ces pollutions mentales. Si nous pratiquons la méditation, nous allons réussir petit à petit à nous débarrasser de ces pollutions mentales et nous allons aussi devenir des êtres nobles. Nous allons devenir des êtres saints. Pour y arriver, il faut obligatoirement se purifier l'esprit et se débarrasser de ces pollutions. Nous allons donc commencer notre étude du chemin de la procéder pour nous purifier, transformer le négatif en positif, pour transformer le noir d'être ordinaire que nous sommes, devenir des êtres nobles. Il y a au total 7 stades de purification qui devront être franchis et nous serons devenus des êtres nobles, libérés. Vipassana kamathani panasila visuddhi, citta visuddhi, dhiti visuddhi, kankha vitarana visuddhi, magga magga jnana dasana visuddhi, patipada jnana dasana visuddhi. Jadi sadawidena wisodi sangho. Le Visuddhimagga, le chemin de la purification, parle de 7 stades de purification que nous allons voir maintenant. Certains de ces stades concernent sila, la moralité, certains autres stades concernent samadhi, la concentration, et enfin d'autres stades concernent panya, la sagesse. Sila, samadhi, panya, c'est l'enseignement du Bouddha. D'être ordinaire que nous sommes, nous allons pouvoir atteindre les stades avancés et devenir des êtres nobles, et c'est ce qui va nous mener à la libération. Et ceci suffit. Ces 7 stades de purification suffisent. C'est l'essence de l'enseignement du Bouddha. C'est très important dans le bouddhisme de se familiariser avec cette étape de purification. Pour les développer, il faudra obligatoirement pratiquer la méditation et développer les connaissances vipassana. Reprend ce que Bhante a expliqué précédemment. Les six premiers stades de purification concernent la vie mondaine, notre vie de tous les jours. Le septième, le dernier stade de purification, est un stade supramondain. C'est le stade de la connaissance et de la vie. C'est le stade qui nous fait précisément passer de l'état de Putujana d'être noble. Donc, Bhante va commencer par expliquer le terme lakana. On voit que dans le texte pali, il est question de anicca lakana, dukkha lakana et anatta lakana. La caractéristique d'impermanence, la caractéristique de souffrance et la caractéristique d'incontrôlabilité ou d'absence d'un ego permanent. Donc, ce terme lakana se traduit par caractéristique ou par signe. En tant qu'êtres humains, si nous ne pratiquons pas la méditation, nous aurons certainement l'idée que nous sommes éternels, que nous serons toujours là, inchangés, de la naissance à la mort. Bhante prend l'exemple de Gauvin qui est ici, qui est jeune, qui va grandir, il va mûrir, il va atteindre un âge avancé et finalement il va devenir vieux. On pourrait croire que ce Gauvin est toujours le même tout au long de sa vie. Et nous pensons également que le reste de l'univers reste toujours le même. Mais en fait, si nous observons attentivement, nous pourrons constater qu'en une seule seconde, des millions de molécules qui apparaissent et disparaissent. Ces molécules n'en finissent pas de changer. C'est précisément le sens de anicca, comme les gens en général ne voient pas, ne comprennent pas que tout est anicca, dukkha et anatta, au contraire, il est permanent. Que tout est bonheur et que tout est contrôlable, qu'il y a bel et bien à l'intérieur d'eux-mêmes une entité permanente qui va tout contrôler. Cela, ce sont les vues fausses. On pense donc que la vie est agréable, que c'est un bonheur de la posséder, mais dans la vie de tous les jours, même si on ne médite pas, il faudra bien constater que ce n'est pas toujours le cas, que parfois on connaîtra des moments difficiles. Donc, on expérimente déjà, en tout cas, le fait que la souffrance est présente. Donc, nous devrons observer attentivement et réaliser qu'à l'intérieur de nous, tout change constamment. Notre corps et notre esprit sont comme l'eau de la Meuse, de la rivière, coule sans arrêt, elle n'est jamais la même. Nous devrons constater au niveau de notre propre corps, mais également au niveau des montagnes, des rivières, tout ce que l'on voit dans l'univers. On va réaliser tout cela et nous allons y arriver par la méditation. Par la méditation, nous allons réaliser vraiment et par référence extérieure de nous que tout est anicca, dukkha et. C'est pourquoi on dit que la méditation, c'est une recherche. Nous allons maintenant pratiquer anicca nupassana. De nouveau, c'est un mot qui comprend trois parties, anicca, anu et passana. Anicca veut dire impermanence, anu veut dire à fond, de façon répétée, et passana veut dire observer. Nous allons donc observer l'impermanence à fond et de façon répétée. Le yogi observe par exemple ses inspirations et ses expirations, ou bien les mouvements de l'abdomen, et il constate qu'ils n'en finissent pas d'apparaître et de disparaître. L'air est inspiré, l'inspiration dure un certain temps, elle s'arrête, puis vient l'expiration qui va également s'arrêter, puis de nouveau une nouvelle inspiration, ainsi de suite. Il réalise anicca, il pratique anicca nupassana. Il faut comprendre que Anupassana, c'est un synonyme de Vipassana. Nous allons observer notre propre corps et notre propre esprit à fond et de façon répétée. Nous allons donc pratiquer Anupassana ou Vipassana. Et nous le faisons dans le but de réaliser l'impermanence, la souffrance et le non-soi. Lorsque vous observez la respiration, vous observez une fonction du corps, vous pratiquez, vous observez le corps physique. Si vous avez des douleurs, vous allez forcément avoir de l'aversion dans l'esprit. L'aversion, c'est un phénomène mental, vous observez alors l'esprit. Et vous observez à fond, de façon pénétrante et répétée. Vous réalisez de mieux en mieux que tout cela est impermanent, souffrance et incontrôlable. Vous réalisez automatiquement Anicca Lakkhana, Dukkha Lakkhana et Anatta Lakkhana. Si nous appliquons Vipassana ou Anupassana, nous pourrons voir clairement et réaliser ces trois signes, ces trois Lakkhana. Nous verrons le signe de Anicca, le signe de Dukkha et le signe de Anatta. Nous allons faire cela de façon répétée, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, et petit à petit, progressivement, notre vision va devenir plus pure. Nous allons purifier notre compréhension, notre connaissance. Le terme Pali, Dasa Vipassana Jnana, Dasa veut dire 10, Jnana veut dire connaissance. Nous allons passer successivement par 10 étapes de connaissance. Vous pouvez voir par vous-même la signification de ces connaissances, de ces Jnana, voir un petit peu plus en détail en quoi consistent les 10 étapes de connaissance. Par exemple, Udaya Beya Jnana, Udaya veut dire apparition, Beya veut dire apparition. Donc, dans ce paragraphe, il est question du type d'émancipation qu'on peut obtenir par la pratique de la méditation. Parfois, le méditant s'efforce d'observer correctement les phénomènes à l'intérieur de lui et il voit très clairement. Il voit, on dit, par sunyata, la vacuité. Ceci veut dire qu'il n'a aucun attachement pour ce qu'il voit. Il n'a aucun désir, il n'y a plus de qui dessin en lui, il voit de façon très pure. La deuxième façon, c'est la réalisation sans signe, il n'y a plus aucun signe de Nibbana. Il expérimente simplement, mais il n'y a aucun signe. Et la troisième façon, c'est sans désir. Ceci veut simplement dire que ce méditant a réalisé Nibbana par la pratique, en faisant des efforts. Il a compris qu'il ne suffisait pas de le vouloir. Dans ce paragraphe, il est question des portes qui vont nous permettre de réaliser Nibbana. Ce sont les mêmes que précédemment, la porte par la vacuité, par le sans-signe et par le sans-désir. Pour un débutant, ce n'est pas très important de comprendre tout cela, mais si on s'intéresse vraiment à la méditation vipassana, la compréhension de ces termes peut certainement aider à progresser. Parce que le bouddhisme est très scientifique et cette connaissance théorique va nous permettre de ne pas faire fausse route sur la voie. Nous pourrons toujours nous référer à cette connaissance pour vérifier nos expériences. Nous serons également en mesure de partager avec les autres nos expériences sans risque de se tromper. Sans la théorie, la compréhension de l'enseignement du Bouddha, notre pratique pourrait être pervertie. Il est donc important de se familiariser avec la théorie. It is now 11 o'clock, it's lunch time. Okay, be happy with your special lunch today, okay? Thank you. Thank you, Bhante. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu.